Et à l'instant, Raymond Poirier est avec nous en studio pour sa chronique technologie de l'information puisqu'il est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, on va parler d'une conférence à venir très bientôt. Exactement, jeudi de cette semaine, en fait le 18 avril, à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est dans le cadre de notre série des rencontres du numérique et cette semaine, ce mois-ci, on s'intéresse à la question de la féminité, du pouvoir et de l'influence de la technologie donc dans les relations de pouvoir ou dans la représentation de pouvoir des femmes à l'intérieur de la musique pop à travers un peu la sphère des vidéoclips. Alors ce sera un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement visuel aussi évidemment, extrêmement sonore, donc on aura l'occasion d'explorer ce jeudi. Et pour mettre un peu la table en route vers cette conférence-là, ben, on a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie du conférencier qui est professeur à la faculté de musique à l'Université Laval. Il s'appelle Aaron Liu Rosenbaum. Bonjour. Bonjour. Et de manière générale, pourquoi on s'intéresse justement au rapport entre pouvoir et féminité à travers le filtre des vidéoclips pop? C'est une bonne question. En fait, je dois dire que probablement la raison primordiale, c'est que j'aime la musique. C'est la musique qui m'a attiré et qui m'a amené à considérer les représentations technologisées des femmes dans ces vidéoclips. Donc c'est vraiment la musique m'a introduit à ce sujet. Et quand on observe justement ce type d'éléments-là dans les vidéoclips, on remarque, j'imagine, une évolution, une transformation dans leur représentation, autant vocale que visuelle. Oui, bien sûr, tous les deux sont changés vraiment au fil des dernières années. On voit qu'il y a une intégration très très étroite entre le son, l'image et la technologisation, c'est-à-dire que on voit que les femmes sont représentées de manière très très technologisée maintenant qu'auparavant. Probablement ça a commencé vraiment à partir des années 90 que ça a augmenté la fréquence de regarder, de voir ces types d'images. Et sonoriquement aussi, bien sûr, les technologies de production, de réalisation du numérique, ils sont changés aussi et ça se manifeste dans les chansons, dans les vidéoclips. Oui, parce que dans le fond, on peut changer la voix, par exemple, on peut la modifier. Et quand on pense à modifier la voix, on pense aussi à des logiciels comme Autotune, par exemple. Oui, il y a Autotune, il y a aussi le vocoder qui a précédé l'Autotune. Et quelquefois, c'est difficile de cerner les différences à ma conférence. Je vais donner des exemples de tous les deux pour qu'on puisse être en mesure de cerner un peu les différentes qualités sonores. Mais aussi, Autotune est vraiment une chose qui est utilisée maintenant pour l'effet esthétique plutôt par exemple, de garder dans une certaine gamme d'auteurs, ce qui était l'objectif au début pour cet appareil. Et pour ceux qui ne connaissent pas Autotune, pouvez-vous nous présenter un peu l'action de logiciel comme celui-là? Oui, en fait, ça tire la voix en temps réel vers le ton le plus proche par rapport à une échelle qui est prédéterminée. Par exemple, je mélangerai un peu l'anglais, je m'excuse, mais ça m'aide à m'exprimer. Donc, si on chante dans C major, on peut écouter l'effet d'être que la voix soit tirée vers la prochaine la prochaine note qui est le plus proche si la voix se trouve entre deux notes. Mmh. Donc on entend cet effet, le tirage de la voix, et ça donne un effet intéressant. Et donc ça veut dire aussi que la voix se transforme, et donc on se retrouve, si on revient aux femmes, avec une voix qui est féminine, mais qui n'est plus uniquement que féminine. En fait, oui, c'est intéressant parce que je dois dire que l'effet peut être perçu de différentes manières selon les auditeurs. On dit que l'autotune donne une voix robotisée parce que la courbe naturelle de la voix est un peu ça devient comme c'est comme la différence entre l'analogique et le numérique. Le numérique, il s'agit des échelles de hauteur, et c'est ça ce qu'on entend avec l'autotune. Donc ça peut modifier le genre, ça peut sembler à modifier le genre, ou aussi ça peut simplement faire un aspect robotisé à la voix. Et quand on pense à aspect robotisé à la voix, je pense que le premier gros exemple d'autotune, celui qui a frappé beaucoup l'imaginaire, c'est Cher, c'est Believe. Oui, oui, c'est bien ça. Et c'est un très bon cas. Et aussi, il y a une, je vais parler aussi de la narrative du vidéoclip, parce que il y a une histoire qui se manifeste dans le vidéoclip, qui est soutenu un peu par la modification de sa voix, par la robotisation de sa voix, qui est liée à l'amour. Et bien sûr, la grande plupart des chansons sont liées à ça, mais ça devient intéressant lorsqu'on peut intégrer ces effets dans les paroles. Mm-hmm. C'est ça ce que je vais tenter de faire. Et parallèlement, puisque vous m'amenez à Aaron Leo Rosenbaum sur l'idée de narration, un autre exemple pour illustrer aussi aux auditeurs et auditrices ce dont vous allez parler, les exemples qu'on va exploiter en conférence jeudi, il y a l'idée des femmes machines. On pense au clip de Björk très célèbre, All is Full of Love. Oui, dans ce vidéoclip, on entend la voix de Björk qui chante par un cyborg qui est en train d'être construit devant nous par des machines, comme si on était dans une usine d'automobiles. Et la voix est bien sûr féminine, et à un certain moment, un autre cyborg entre et commence à chanter avec aussi la voix de Björk. Donc ce qui est intéressant visuellement, c'est que les deux cyborgs sont représentés par des couleurs bleues et rouges. Donc il y a un jeu de genre là, mais avec le même voix. Mm-hmm. Et c'est ça ce qui était intéressant. Les technologies permettent de faire flou les distinctions entre les genres. Et même en poussant plus loin, je crois que Madonna dans Music, où on utilise les technologies pour carrément transformer la voix du féminin au masculin. Oui, elle va même plus loin. Elle, ce qu'elle fait tout au début du vidéoclip de Music, on entend une voix qui semble être masculine, mais en fait c'est la voix de Madonna. Et c'était modifié de manière de transformer la voix en homme. C'est simplement ça. Mm-hmm. Et on peut également entendre des nuances, c'est-à-dire des gradations de voix où ça change. Pas exactement la voix d'un homme, pas exactement la voix d'une femme. C'est quelque chose entre les deux. Donc il y a encore ce jeu de genre qui est facilité par l'usage des technologies. Et en même temps, j'ai l'impression, à vous entendre parler aujourd'hui, que la prise de pouvoir, si on peut dire, ou les observations que vous faites sont liées à une mouvance du genre vers un non-genre, vers une certaine androgynité. Oui, j'ai tiré cette idée de l'auteur Donna Haraway. Elle a écrit sur les cyborgs et elle a appelé les cyborgs le troisième genre. Ni femme ni masculin, c'est ni homme. C'est un genre soit entre les deux, soit au-delà des deux. Et au-delà de nos manières de penser binaires, de penser les sexes binaires, des manières binaires. Et c'est donc c'est une sorte de porte de sortie de des enjeux liés à la catégorisation des sexes. Et quel lien on fait, quel pont on fait avec la notion de pouvoir? Pouvoir, c'est intéressant. Il y a d'abord, je dois dire aussi qu'il n'y a pas une seule manière de regarder l'intégration des technologies dans ces vidéoclips. Il y a ce que je regarde, c'est ce que je constate. Il y a une certaine famille d'usages, si je peux le mettre dans ces termes. C'est-à-dire, on voit des femmes qui apprennent comment utiliser des technologies. Un bon exemple, c'est le cas de Kate Bush dans le vidéo Cloud Busting. Et utiliser les technologies, c'est une chose qui déjà appartient aux hommes. C'est-à-dire historiquement, stéréotypiquement, c'est ça. Et donc, lorsqu'une femme apprend comment utiliser un appareil technologique, ça représente une réussite d'une manière. Ça la met dans une étape un peu plus proche de l'homme. Et il y a aussi l'intégration des technologies par rapport aux images. Et si les femmes peuvent échapper leur genre en adoptant ces images technologisées, robotisées, même dans la narrative, bien sûr, c'est une manière d'échapper les problèmes des femmes. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça change la vie, c'est autre question. Mais on peut bien poser la question si ça aurait une influence sur la manière dont les femmes se pensent et se créent à chaque jour. Parce que si elles capables d'utiliser les mêmes technologies qui étaient utilisées auparavant par des hommes, c'est aussi une sorte de réussite, dans le chemin de ne pas être catégorisé de ne pas être pensé comme incapable d'utiliser les technologies, ce qui est un grand stéréotype des femmes. Et c'est un peu tout ça qu'on va explorer justement ce jeudi avec des extraits sonores, avec des extraits vidéo lors de votre conférence. Oui, c'est ça. Je vais montrer plusieurs exemples. Je vais faire jouer des fichiers et je vais commenter tout ce que je fais. Alors, on invite les gens à venir vous rejoindre et nous rejoindre, dans le fond, pour cette exploration-là qui aura lieu, je le rappelle, c'est jeudi le 18 avril à 19h à la bibliothèque Gabrielle Roy. La conférence s'appelle « Femmes, pouvoir et technologie dans la musique pop ». Et ce sera une conférence, donc, d'Aaron Liu Rosenbaum, qui est professeur à la faculté de musique de l'Université Laval. Monsieur Rosenbaum, merci beaucoup. Merci à vous. Et à jeudi. À jeudi. Et Raymond, ben merci à toi. Ça me fait plaisir. Si on veut plus d'informations, on retrouve tout ça sur votre site Internet. Exactement, tout est en page d'accueil. Alors, www.itis.ulaval.ca. Et vous avez le détail, justement, de la présentation de cette conférence. Et on espère vous y voir nombreux, évidemment. Et d'ailleurs, on peut réentendre les chroniques qu'on fait ici dans Change de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. À la semaine prochaine.